La scène est à la campagne, dans la maison de Cydalise. Voyant entrer Clitandre en robe de chambre, Cydalise dit... Ah bon Dieu, Clitandre, quoi? C'est vous? Votre surprise, madame, a de quoi m'étonner. Je vous croyais accoutumé à me voir vous faire ma cour. Et je ne comprends pas ce que vous trouvez de si extraordinaire dans la visite que je vous fais. Je croyais avoir quelques raisons de penser que si vous vouliez bien veiller aujourd'hui avec quelqu'un, ce ne serait pas avec moi. Et que dans les idées que j'avais, votre présence m'a étonnée. Cérémonie à part, ne produit-elle sur vous que cet effet? Ne vous embarrassais-je pas plus encore que je ne vous surprends? Cette idée vous est nouvelle. Me permettriez-vous de vous demander ce qui vous l'a fait naître? Oh, mon intention n'est point de vous en faire mystère, mais... Voudrez-vous bien me dire aussi pourquoi vous avez été si étonné de me voir chez vous ce soir, lorsque tant d'autres fois, cela vous a paru si simple? Je ne vous crois pas aujourd'hui aussi désœuvré que je vous l'ai vu l'être quelquefois. Eh bien, j'avais sur vous la même idée. Et c'est ce qui fait précisément que je ne suis pas sans quelque sorte d'inquiétude que vous ne trouviez ma visite un peu déplacée. Un peu déplacée? Ah, j'admire tout à la fois le ménagement de vos termes et l'extravagance de vos idées. Voudrez-vous bien au reste me faire la grâce de me dire pourquoi vous croyez m'incommoder tant aujourd'hui? Oui, pourvu qu'à votre tour, vous vouliez bien m'apprendre pourquoi ma présence ici vous cause tant d'étonnement. Vous serez bientôt satisfait. Elle passe dans sa garde-robe... Revient, change de chemise, on la déchausse. Ah Dieu, quelle jambe! Oh, finissez, monsieur. Vos éloges ne me font point oublier votre témérité. Je ne sais pas si c'est la première fois que je la loue, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas la première fois que je l'admire. Allez-vous mettre là-bas ou sortez? Vous me traitez singulièrement, madame. Mais j'obéis. Elle se couche, dit à une de ses femmes de rester. Clitandre s'assied sur un fauteuil auprès du lit. Quoi, réellement, Clitandre? Vous n'avez de rendez-vous avec personne? Quoi, dans le vrai? Je ne vous empêche pas de voir Eraste? Eraste? Mais en vérité, vous n'y pensez pas, mon pauvre comte. Et je vous jure, belle marquise, que je ne pense pas plus à aucune des femmes qui sont chez vous, que vous ne songez à lui. Pas même à Araminte? Araminte? Oh, parbleu, la plaisanterie est délicieuse. Est-ce parce que vous avez eu la méchanceté de la prier de venir ici que vous croyez qu'il faut que je l'y amuse? Vous voudriez me faire croire que vous ne savez pas pourquoi elle est ici? Oh! Pardonnez-moi pour les espérances qu'il y a, je les devine. Et vous le voyez bien au chagrin que j'ai de ce qu'elle y est. Je ne vous comprends pas, il faut assurément bien craindre de manquer de monde pour se charger d'une pareille espèce. En vérité, Clitandre, voilà une discrétion bien inutile ou un persiflage bien ridicule. Vous verrez aussi que c'est moi qui vous ai joué le mauvais tour de prier Célimène et que c'est encore ma faute si Bélise, Lucinde et Julie se trouvent chez moi en même temps. Oh, pour celle-là? Il ne se peut pas qu'ayant chez vous Cléon, Oronte et Valère, vous pensiez qu'elles y sont pour moi. Mais je ne jurerais pas que vous fussiez dans l'honneur qu'elles me font, pour aussi peu que vous le prétendez. Quelle folie! Il y a plus de 8 jours que je suis ici. Ils y sont eux d'avant-hier, elles y sont d'aujourd'hui. Et il me paraît à cet arrangement que vous ne pouvez pas plus les accuser d'être venus pour moi, que vous flattez de ne les y voir que pour vous. Vous ne me croyez pas non plus assez imbécile pour m'en flatter. Vous auriez tort. Au reste, de vous plaindre de Valère, d'Eraste et de Cléon. Ils sont arrivés 2 jours avant les femmes qu'ils y attendaient. Ils sont dans les grandes règles. Et je parierais qu'ils n'en font pas autant pour tout le monde. Il est donc bien vrai que ce n'est pas vous qu'elles cherchent ici. Oh, vous savez ce qu'elles font. On sait plus ce qu'elles voudraient faire. Oh, madame, ce n'est pas, permettez-moi de vous le dire, sur des femmes qui pensent aussi bien que celles-là qu'on peut avoir de pareilles idées. En vérité, Clitandre, vous devenez bien ridicule. Je ne vous presserai pas là-dessus, puisque j'ai lieu de croire que vous ne voulez pas l'être. Mais je ne pardonnerai jamais à Eraste d'être venu me gâter un souper qui devait être si délicieux. Je vous avoue que je ne vois pas pourquoi, s'il n'y eût pas été, ce souper aurait été si agréable pour vous. Vous ne sentez pas ce que votre embarras au milieu de quatre femmes que vous avez eues, et qui sans doute conservent encore des prétentions sur vous, aurait eu de réjouissant pour moi? Il y aurait à moi de la sottise à vous soutenir que je n'ai eu aucune d'elles. Mais il y aurait assurément plus que de l'indiscrétion à dire que je les ai eues toutes. D'ailleurs, en supposant qu'elles m'aient toutes honorées de quelque bonté, qu'est-ce que cela importe aujourd'hui à elles et à moi? L'on prétend que nous oublions beaucoup plus que les hommes ces sortes d'aventures. Je sais qu'on vous en accuse, mais il m'a paru qu'à cet égard, le manque de mémoire est égal dans les deux sexes. Vous vous souvenez de Célimène, pourtant? Ah, cela est fort différent. Notre affaire a été longue, et je l'ai trop tendrement aimée pour avoir pu l'oublier à ce point. Si vous dites vrai, elle est bien heureuse. J'en doute, puisque je ne m'en souviens que pour la mépriser au-delà de tout ce que je pourrais dire. Cruel. J'ai pourtant à vous parler de sa part. De sa part? À moi? Oh! Après tout, rien ne m'étonne d'elle. Elle prétend que vous lui faites les injustices du monde les plus criantes, et que vous vous obstinez à la condamner sans l'entendre. Vous savez mon histoire comme moi-même, madame. Et puisque vous ne me trouvez aucun tort, vous voudrez bien que je m'inquiète peu de tout ce dont elle me charge. Je ne pourrais même pas m'empêcher d'être surpris qu'elle eût osé vous prier de me parler pour elle, si Éraste, qui a eu pour vous et devant moi les plus condamnables procédés, ne m'avait pas prié aussi de vous parler pour lui. Sérieusement, Clitandre, il vous en a parlé? Oui, madame, et avec une vivacité dont vous auriez sans doute été contente si vous en aviez été témoin. Oh, très contente, cela n'est pas douteux. Et selon toute apparence, il me charge de tous les torts de notre rupture. Il est naturel qu'il vous en donne quelques-uns. Cependant, à part ceux qu'il a lui-même, je le trouve assez modéré sur cet article, et à votre humeur près, il dit que vous êtes assez bonne femme et que vous ne manquez absolument pas de principe. L'insolent. Je ne dirais sûrement pas de lui la même chose. Mais n'avez-vous pas été confondu de l'air léger dont il est venu s'établir ici? Il est vrai que son apparition m'a un peu surpris. Ce n'est pourtant pas que j'ai cru qu'il vint ici sans être sûr que vous ne le trouveriez pas mauvais. C'est le moindre des égards que l'on doit à une femme comme vous. 7 ou 8 jours avant mon départ, je soupais avec lui chez la petite comtesse. Il fut question du séjour que je comptais faire ici. Il eut l'audace de me dire qu'il viendrait m'y faire sa cour. Comme je sais qu'il a des projets sur cette pauvre petite femme et que jusqu'à présent elle n'entre pas dans ses vues, je crus que pour la déterminer, il voulait lui donner de la jalousie et qu'il me faisait l'honneur de croire que j'ai de quoi l'alarmer. Mais j'avais reçu si froidement sa politesse que je vous avoue que je me flatterais qu'il n'oserait pas venir dans un lieu où il doit être vu avec moins de plaisir que personne. Aussi l'ai-je traité comme vous avez fait à Araminte, à qui il me semble que vous en voulez encore plus qu'à Célimène même. Ma foi, en cas comme je vous en soupçonne, que ce soit pour vous procurer quelques scènes agréables que vous avez voulu avoir cette femme, il faut convenir que vous avez bien réussi et que le souper a été d'une gaieté merveilleuse. Je ne crois pas de mes jours en avoir fait un de plus embarrassant et plus triste. Vous, entre deux femmes de qui les prétentions vous gênaient, moi, en face d'Éraste, impatienté de ses prétentions, de ses regards et de ses propos. Ah non, en vérité, j'ai cru que j'en mourrais d'ennui et de fureur. On en meurt à moins tous les jours. Et je n'étais pas, je vous jure, plus à mon aise que vous. Pour votre sécheresse avec Célimène, je n'en ai pas été bien surprise. Mais à l'égard d'Araminte que vous avez... Moi, j'ai Araminte? Voilà la bien la plus abominable calomnie. Oh mon Dieu, ne vous fâchez pas tant contre moi. Est-ce ma faute si le public vous la donne? Oh, le public. Le public, avec sa permission, ferait mieux de la garder que de me la donner comme il fait. Il est encore plaisant, le public. À propos de quoi donc cet air de mystère? Justine. Eh bien, que vous fait-elle? Oh, rien. C'est seulement que je n'ai pas déterminé de la mettre dans la confidence et que je ne puis, tant qu'elle restera dans votre chambre, m'expliquer librement sur certains articles. Je ne vois pas pourquoi vous voulez l'en bannir aujourd'hui. Tous ces jours derniers, elle ne vous y a point paru de trop. Ça se peut. Mais je n'avais pas les mêmes choses à vous dire. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais il me semble que si vous vouliez bien que nous fussions seuls, cela n'en serait que mieux. Elle dort et sûrement elle ne vous entend pas. Elle peut le feindre et m'entendre. Enfin, madame, qu'elle soit ou non endormie, sa présence m'inquiète et me gêne. Ou permettez-moi de me taire sur ce que vous me demandez, ou alors consentez que nous soyons seuls. Seuls? Mais pourquoi? En vérité, cela est ridicule. Non, je n'y consentirai jamais. Comme il vous plaira. Mais je vous avoue que j'ai peine à comprendre votre répugnance sur une chose aussi simple, qui me paraît tirer si peu à conséquence pour vous, et qui m'est à moi si nécessaire. Enfin, il faut donc faire ce qu'il vous plaît. Mais assurément, vous me ménagez peu. Justine? Justine? Voyez comme elle ne dormait pas. À quelle heure madame veut-elle qu'on entre demain? Mais voilà une singulière question. À l'heure ordinaire, apparemment. On attendra que madame sonne. Eh bien, monsieur, vous venez de l'entendre. Elle vient de me tenir un joli propos. Mais madame, daignez donc vous mettre à ma place. Mettez-vous vous-même à la mienne, monsieur. Croyez-vous de bonne foi qu'elle sorte de ma chambre sans la plus forte persuasion que ce qui n'est qu'une chose de hasard ne soit un rendez-vous très décidé? Elle a donc l'esprit bien mal fait, votre Justine. Elle l'a comme tous les gens de son espèce. Vous-même, que penseriez-vous si vous appreniez demain qu'un des hommes qui sont ici a passé la plus grande partie de la nuit dans ma chambre? Auriez-vous la bonté de croire qu'il ne l'aurait employé qu'à me raconter des histoires? Ah, il est certain que je vous croirais pour cela quelques raisons particulières. Ah. Mais Justine qui est votre confidente, et qui sait qu'il n'y a rien entre vous et moi, ne doit pas penser là-dessus comme je pourrais faire. Et plutôt au ciel qu'elle pût me croire l'homme du monde le plus heureux, et que je le fusse autant qu'elle me ferait l'honneur de le croire. Son absence vous a rendu bien galant. Non. Mais si je n'avais dû rien gagner à son départ, que m'aurait fait qu'elle fût partie? Mais monsieur... Et madame, vous me connaissez. D'ailleurs, que gagnerais-je à vous manquer? Quand vous ne m'accorderiez rien de tout ce que je pourrais vous demander, ou que je vous offenserais si je voulais tenter quelque chose. Mais Clitandre, vous n'aimez donc pas Araminte? Bon. Pourtant, vous l'avez eue. Ah, c'est autre chose. En effet, on dit qu'aujourd'hui cela fait une différence. Et je crois de plus que ce n'est pas d'aujourd'hui que cela en fait une. Mais que vient-elle donc faire ici? Hein, je crois que je m'en doute. Mais cela ne dit pas que je l'aime. Car c'est sans que je l'ai priée et même sans qu'elle m'ait pressentie qu'elle est venue s'établir chez moi. Et je vous le dis naturellement, elle me ferait plaisir de s'en retourner. Et à moi aussi, je vous le proteste. Je vous assure de plus que si elle ne s'en va pas, c'est que je m'en irai, moi. Non, Clitandre, elle restera. Et vous ne vous en irez pas. En vérité, madame, il est aussi trop singulier que vous croyez que l'on puisse rester dans un lieu où l'on a le malheur de trouver une Araminte, surtout quand elle s'avise d'y être tendre. Oh, ça, comte, je suis votre amie. Et je crois que vous ne doutez pas de ma discrétion, puisque le hasard de la conversation nous a porté sur elle. Ouvrez-moi votre cœur et ne me cachez rien de ce qui s'est passé entre elle et vous. Puisque vous le voulez, je ne vous cacherai rien. Avant tout, ouvrez un peu plus le rideau de ce lit. Je ne vous vois pas. J'étais allé au commencement de l'été à la campagne, chez Julie. Il y avait beaucoup de monde, Araminte entre autres, Araminte que personne ne désire et qui se prit partout. Je commençais à perdre beaucoup de la douleur que l'inconstance de Célimène m'avait causée, et de jour en jour, ma liberté me devenait plus à charge. Je brûlais de me rengager. Et si vous me permettez de vous le dire, mon cœur, qu'à votre entrée dans le monde, vous aviez assez vivement blessé, reprenait pour vous ses premiers penchants. Mais vous aimiez encore Eraste. Je me représentais fortement l'inutilité de mes vœux, la certitude de ne pas réussir et la crainte de vous ennuyer et de vous déplaire m'obligèrent à garder le silence. Vous fîtes fort bien, j'aimais en effet Eraste avec la plus grande vivacité. Mais sûrement vous n'auriez pas eu à vous louer du succès. J'avais aussi quelques raisons de croire que quand même vous auriez été libre, vous ne m'en auriez pas rendu plus heureux. Quoi qu'il en soit, je n'imaginais même pas de vous informer des perfidies qu'il vous faisait tous les jours. J'étais sûr que cette confidence ne ferait que vous tourmenter, et je crus devoir me taire sur mes désirs et sur ses infidélités. L'ingrat que je l'aimais. Croiriez-vous bien que depuis qu'il m'a forcé de rompre avec lui, Il n'y a que bien peu de temps que je me sens pour lui cette indifférence profonde qu'il n'est plus possible de surmonter. En ce cas, il est donc bien sot de n'avoir pas avancé son voyage. Car il n'est venu ici que pour se raccommoder avec vous, et il en a l'espérance. Bon, ce n'est en lui qu'un ridicule de plus. Mais j'avoue que je voudrais qu'il fût devenu sincèrement amoureux de moi. Ah, qu'il entre encore d'amour dans ce désir. Je conviens qu'on pourrait le soupçonner, mais je vous donne ma parole d'honneur que c'est sans aucune idée que je doive me reprocher que je le forme. À vous parler franchement, j'ai tant de peine à croire que vous l'aimiez que je croirais bien aisément que vous ne l'aimez plus. Vous êtes donc bien sûr que vous ne renouerez pas avec lui ? Quelle idée ! Dans le temps même que je mourrais de douleur de l'avoir perdu, il a tenté vainement de me ramener à lui. Et les dispositions où je me trouve ne me permettent pas de craindre qu'il puisse à présent ce qu'alors il ne put pas. Ah, est-ce que vous penseriez à en prendre un autre ? Ah non, je vous le jure. Mais s'il était vrai que j'aimasse, je me flatte que je serais triomphée de mon amour et le laisser même ignorer à celui qui en serait l'objet. Cruel ! Pouvez-vous former de pareils projets ? Que vous importe ? Mais reprenez votre histoire. Croyez-vous que je n'eusse rien de plus intéressant à vous dire ? Oh, je ne sais. Mais vous ne pouvez me dire rien qui me fasse autant de plaisir. Ce que vous me dites est assez peu poli. Mais vous affligez plus mon cœur que vous ne mortifiez mon amour-propre. Oh, finissez donc. Attendrai-je éternellement ? Vous êtes insupportable. Eh bien, Araminte, en me voyant, me destine à une petto au glorieux emploi de l'abuser. Vous savez avec quelle promptitude elle fait connaissance. Vous connaissez son indécente familiarité et ses agaceries, mille fois plus indécentes encore. Nous sommes libertins, je n'avais rien dans le cœur pour me défendre d'elle. Elle ne me toucha point, mais elle me tenta. En revenant de la promenade, le hasard nous fit passer par un petit bosquet assez obscur. Par le même hasard, nous étions insensiblement séparés de la compagnie. Je trouvais et le lieu très propre à prendre avec elle les plus grandes libertés, et elle si disposée à me les souffrir, que je ne sais comment elle eut la force de ne m'en pas remercier. En me priant le plus poliment du monde de finir, elle me laissait continuer, avec une patience admirable. Cependant, une faiblesse lui prit, et ce que je me reprocherais toujours, j'eus l'indignité d'abuser de l'état où je l'avais réduite. Oh, grand Dieu ! Comment, vous ? Oui, madame. On ne saurait pousser plus loin le manque de respect. Oh, j'en suis encore d'une honte. Mais Clitandre, les faits sont-ils bien tels que vous me les racontez ? Ils sont si simples que je m'étonne que vous y trouviez de quoi vous faire une histoire. Oh, vous me confondez. Après ? Je suis poli, moi. Je crus qu'il était de la bienséance que je lui fisse des excuses. Elle les reçut. Et on fut si enchantée qu'elle voulut absolument que j'allasse, quand tout le monde serait couché, les lui réitérer dans sa chambre. Vous y allâtes ? Ah, assurément. Pouvais-je manquer à ma parole ? Je la trouvai couchée, et j'avoue que je crus qu'après toutes les libertés qu'elle m'avait laissé prendre, celle de me mettre dans son lit n'avait rien qui dût la choquer à un certain point. En effet, la seule chose qu'elle me demanda fut de bien vouloir éteindre les bougies ou de fermer les rideaux. Cela ne me parut qu'un caprice, je ne les aime pas, et je lui refusai durement la grâce qu'elle me demandait. Les bougies restèrent allumées et les rideaux ouverts. Nous commençâmes à en agir ensemble familièrement, et j'étais sur le point de lui avoir encore les dernières obligations, lorsqu'une tendre inquiétude la saisit. Elle se rappela que je ne lui avais pas encore dit que je l'aimais, et me protesta, si je ne la rassurais pas sur mon cœur, que, quelque extraordinaire que fût le goût qu'elle avait pour moi, et quelque preuve même qu'elle m'eût déjà donnée de sa faiblesse, elle saurait indubitablement la vaincre. Je lui répondis que je ne concevais pas qu'avec les preuves actuelles que je lui donnais de mes sentiments, elle pût s'obstiner à en douter. Et la certitude d'être aimée, bannissant ses scrupules, elle devint d'une tendresse, d'une vivacité, d'une ardeur incompréhensible. Oh, si vous aviez vu, madame, non, c'est que cela était d'une beauté. Je le crois, monsieur le comte, mais n'en supprimez pas moins ces agréables détails. Cependant, malgré tout ce que je lui devais, il m'avait paru que j'aurais été plus heureux encore et que j'aurais eu moins à prendre sur mon imagination si elle eût eu autant à se louer de la nature qu'elle semblait le croire. J'ai le malheur d'être fort curieux. Mon doute me tourmentait. Je la priais donc de le faire cesser. Rien n'était si simple ni même si galant que cette prière. Vous ne pourriez cependant que difficilement imaginer combien j'eus de peine à la lui faire agréer. Cette proposition blessait mortellement sa pudeur. Oh, quel conte ! Ce scrupule était bien placé. Enfin, elle ne voulait pas, mais je voulais, moi. Et quelque résistance qu'elle m'opposa, je voulus si bien qu'elle fut obligée de céder. Oh, madame ! Quoi donc ? Oh ! Quel monstre ! Elle ? Oh, vous m'étonnez. Je ne comprends pas ce que cette femme peut avoir de si horrible. Bon, sa gorge n'est point parfaite, mais elle n'est pas mal non plus. Elle a le bras bien tourné, la main assez jolie, le pied assez bien fait. Et j'ai ouï dire que tout cela devait faire penser... Mon Dieu, madame, si vous saviez combien peu il faut se fier aux règles. Vous ne seriez pas si surprise de ce qu'Araminte ne tient pas tout ce qu'elle semble promettre. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'une femme telle que vous me dépeignez, Araminte, soit aussi galante. L'amour-propre devrait au moins lui tenir lieu de principe. Car en supposant qu'elle se fût crue en entrant dans le monde tous les charmes imaginables, il ne serait pas possible que tous les hommes qu'elle a eus se fussent accordés pour servir sa vanité. Que le peu de temps qu'ont duré les liaisons qu'elle a voulu former, et mille autres circonstances aussi propres à nous faire ouvrir les yeux sur nous-mêmes, ne l'eussent pas désabusée. Nous sommes sur cet article aussi faux ou aussi poli que vous le croyez, et nous quittons ordinairement une femme sans chercher à l'humilier, à moins cependant que notre vanité ne soit intéressée à le faire. Il est certain au reste que si j'eusse su combien la noble confiance qu'Araminte a en elle-même est mal fondée, je ne l'aurais pas prise. Mais j'étais à cet égard dans le cas du monde le plus cruel. Il y a fort peu de gens qui ne l'aient eu. Mais il n'y a pas un homme d'un certain genre qui ait cru devoir se vanter de l'avoir possédée. Et elle est peut-être la femme de France que l'on connaît le plus et sur laquelle pourtant on trouverait le moins de renseignements. Mais voilà un insupportable rideau de retomber toujours. Arrangez-le donc de façon qu'on n'ait pas besoin de l'arranger sans cesse. Si vous le vouliez, je pourrais mieux faire. Vous n'êtes pas prude, je ne suis point impertinent. Je vais m'asseoir sur votre lit. Elle lui fait place. Vous dûtes au moins lui trouver des charmes qui, en général, vous touchent assez. Vous m'entendez, sans doute. À elle ? Elle n'en a point, hein ? Oh, pour cela, Clitandre, je ne saurais vous croire. Après ce que vous m'avez dit de ses transports, de sa vivacité... Oh, vous vous trompez. Tous ces transports n'étaient pas plus causés par ce que vous pensez que par l'amour même, qui sûrement n'y entrait pour rien. Elle ne feignait tant d'ardeur que pour me faire croire qu'elle m'aimait et pour m'en donner à moi-même. Mais puisqu'elle avait dans le fond si peu de sensibilité, quel besoin avait-elle de vous voir si ardent ? Elle a l'imagination fort vive et fort déréglée. Et quoique l'inutilité des épreuves qu'elle a faites eût dû la corriger d'en faire, elle ne veut pas se persuader qu'elle soit née plus malheureuse qu'elle croit que d'autres ne le sont. Et elle se flatte toujours qu'il est réservé au dernier qu'elle prend de la rendre aussi sensible qu'elle désire de l'être. C'est admirable, Araminte. Vous trouva-t-elle digne de tout ce qu'elle voulait bien faire pour vous ? Pour vous dire la vérité, si elle eut de quoi ne pas regarder comme perdus les moments qu'elle voulait bien me donner, elle n'eut pas lieu non plus de les regarder comme absolument bien employés. L'avez-vous eu longtemps ? 5 ou 6 jours, parce que je crois plus ou moins. Quoi ? Cette femme que vous trouviez si horrible ? Libertin. Lorsque nous revînmes à Paris, nous en usâmes comme si c'eût été aux eaux que nous nous fussions pris. Mais Clitandre, ne me supprimez-vous pas quelques soins ? Enfin, quelques lettres tendres, quelques serments d'aimer toujours ? 1000 choses, enfin, qu'ordinairement les hommes comptent pour rien, et que nous avons toujours le malheur de compter pour trop. Est-il bien vrai que vous n'ayez pas trouvé dans sa possession plus de charme, et que sa conquête ne vous ait pas coûté plus de temps que vous ne l'avez dit ? Non, madame, je vous jure. Le sentiment, le goût et le plaisir ne sont entrés pour rien dans notre affaire. Et ce qu'elle me fait aujourd'hui est d'une injustice affreuse. En arrivant ici, elle m'a signifié, avec hauteur, qu'elle venait pour me faire expliquer. Je lui ai répondu qu'il ne se pouvait pas que nous eussions rien à démêler ensemble. Quand elle m'a vu si bien armée contre la dignité, elle est revenue au sentiment et m'a demandé, en grâce, d'aller cette nuit dans sa chambre ou de la recevoir dans la mienne. Et je l'ai bien cordialement assuré que je ne ferais ni l'un ni l'autre. C'était en effet ce que vous pouviez faire de mieux. Aussi bien n'était-ce pas dans cette chambre-là que je vous croyais des affaires. Je n'en avais, comme vous voyez, que dans la vôtre. Mais à laquelle des femmes qui sont chez vous, votre imagination m'avait-elle donc destinée ? Eh bien, à Julie. À Julie ? Mais est-ce que je l'ai eue donc ? Comment si vous l'avez eue ? En vérité, la question est admirable. Elle ne me paraît pas, je le confesse, aussi déplacée qu'à vous. Je trouve Julie fort aimable, mais vous m'étonnez de me croire avec elle d'aussi intime liaison lorsque je ne lui ai jamais rendu de soins. Je crois pourtant savoir ce que je dis. Et qu'avez-vous, Clitandre, vous frissonnez ? Est-ce que vous vous souviendriez d'Araminte ? Ah, je ne serais pas surpris que son idée produisît sur moi cet effet, car véritablement, ce n'est jamais sans horreur que je me la rappelle. Vous paraissez mourir de froid. Cela n'est pas bien extraordinaire, la nuit devient fraîche. Je n'ai pour tout vêtement que ma robe de chambre et je commence à la trouver terriblement légère. Oh, j'en suis fâchée. Je désirais d'apprendre votre histoire avec Julie et ce contretemps me choque à un point que je ne puis dire. Mais de quoi aussi vous avisez-vous de n'avoir qu'une robe de chambre de taffetas ? La belle idée. Mais il ne se peut pas, du moins je me plais à le penser, que dessous vous soyez tout nu. Ah, le plus exactement nu du monde. Oh. Et pourquoi pas ? Nous ne sommes encore qu'au commencement de l'automne. Vous pouvez être dans votre appartement comme il vous plaît, mais vous me permettrez de vous représenter que pour passer dans le mien, vous vous êtes mis dans un assez singulier équipage. Ah, vous me faites une réflexion qui me peine. Et je ne saurais vous exprimer à quel point je suis honteux de vous faire penser un instant que j'ai pu avoir l'intention de vous manquer. Je vous avoue que je ne comprends pas comment vous avez imaginé de paraître devant moi dans l'état où vous êtes. Madame, je n'étais qu'admis, s'il faut le dire, dans le dessein de passer chez vous. Je le voulais, je ne le voulais pas, je craignais de prendre mal mon temps. Et si vous me permettez d'être vrai jusqu'au bout, l'idée du rendez-vous que je vous supposais me tourmentait au-delà de toute expression. Je n'ai jamais pu résister au désir de savoir si en effet vous en aviez donné un. Absorbé dans ma rêverie, je me suis machinalement laissé déshabiller. Je l'étais enfin quand je me suis déterminé à entrer chez vous. La confusion de mes idées, notre conversation qui a commencé sur le champ, une forte préoccupation ne m'ont pas permis de songer à l'état où j'étais, où j'ai le malheur d'être encore, et dont je vous demande autant de pardon que si j'eusse effectivement eu le dessein de vous offenser. Je suis bien aise d'avoir moins à me plaindre de vous que je ne pensais. Mais vous conviendrez, je crois, que tout autre à ma place aurait trouvé votre procédé d'une légèreté inexprimable. Mais laissons cela. Parlons d'autre chose. Eh bien, Julie. Oh, Julie, sûrement ne meurt pas de froid comme moi à l'heure qu'il est. Et cela ne m'inquiète guère. Il m'est assez égal aussi que vous en mouriez. Mais je veux que vous me disiez ce que je vous demandais lorsque vous m'avez forcé de m'interrompre. Vous désirez donc cette histoire bien vivement ? Oui, très vivement. Eh bien, puisque c'est absolument que vous le voulez, je sais un moyen qui me mettra en état de vous la conter, si vous l'agréez. Et c'est ? Mais c'est que vous ne voudrez peut-être pas. Voyons toujours. C'est de me laisser coucher avec vous. Rien que cela. Pas davantage. Vous avez perdu l'esprit de me prendre pour une araminte. C'est, je vous jure, en tout bien et en tout honneur que je vous propose... Après tout ce que je viens de vous dire, ce serait à moi une assez belle inconséquence de vous accorder ce que vous me demandez. Se peut-il que vous doutiez de mon respect pour vous? Non, je veux croire que vous me respectez beaucoup. Et comme c'est une idée qui me flatte, je ne vous mettrai absolument pas à portée de me la faire perdre. Je ne vois pas bien pourquoi je serais moins sage dans votre lit que je ne l'étais dessus. Oh, accordez-moi de grâce ce que je vous demande. Rien ne tire moins à conséquence. Non, je n'y consentirai jamais. Eh bien, madame, il faut donc vous épargner la douleur d'y consentir. Il ôte sa robe de chambre, la jette dans la ruelle, se précipite dans le lit de Cydalise et la prend dans ses bras. Clitandre, monsieur, si vous ne quittez point mon lit, si vous ne me laissez pas, oh, si vous ne vous en allez point, je ne vous reverrai de mes jours. Madame, y pensez-vous? Songez-vous que l'on peut entendre votre cri? Que voudriez-vous si quelqu'un venait ici, que l'on imaginât de la situation dans laquelle on nous trouverait tous deux? Tout ce qu'on voudrait. Il n'y a rien que je ne m'expose à faire penser, plutôt que de me voir réellement victime de votre témérité. Mais Madame Lucrèce même ne pensa pas comme vous. Oh, je crois encore que vous plaisantez. Cela serait assez déplacé, dans la colère où j'ai le malheur de vous mettre, et je vous le proteste beaucoup plus innocemment que vous ne pensez. Allez, monsieur, il est infâme à vous d'abuser comme vous faites de mon estime et de mon amitié. Laissez-moi, je vous abhorre. Laissez-moi, vous dis-je. Si je vous retenais, c'était beaucoup moins pour vous faire violence que pour vous empêcher de prendre un mauvais parti. Vous voilà libre. Eh bien, que vous fais-je? Je suis pourtant avec vous, dans le même lit. À ma sagesse, devriez-vous le croire. Taisez-vous, je vous déteste. Que voulez-vous que pensent demain mes gens quand ils verront mon lit? Mais rien du tout, madame, car je le referai, avant que de m'en aller. Sans doute. Ce sera, je crois, un bel ouvrage. Vous verrez. Oh ça, rapprochez-vous un peu de moi, que la tranquillité où vous me voyez auprès de vous vous rassure. Vous pouvez compter que si vous osez tenter la moindre chose, vous serez à jamais l'objet de ma cruelle aversion. Soit! Puissiez-vous en effet me haïr autant que je désire que vous m'aimiez, si vous avez à vous plaindre de moi. Je ne pardonne pas même une proposition, quelque modérée qu'elle puisse être. Je le veux bien. Point de proposition. Aussi bien ne serait-ce pour moi qu'une honte de plus. Je voudrais bien que vous le crussiez. Je ne sais pas comment les autres pensent sur ces sortes de choses, mais pour moi, je n'ai jamais trouvé plaisant d'être refusé. N'en étions-nous pas à Araminte? Non, nous l'avions passé. Mais est-ce que réellement vous comptez rester dans mon lit? Et madame, il me semblait que cela était arrangé, que nous avions fait nos conditions. Oh, quoique je sois assurément très fâchée contre vous, il m'est impossible de ne pas rire de la singularité de ce qui m'arrive. Dans le fond, je crois qu'il est plus sage à vous de vous en faire un objet de plaisanterie qu'un sujet de colère. De quoi vous avisez-vous aussi de vous obstiner d'entrer dans un lit où l'on ne vous désire pas du tout? Lorsqu'il y en a tant ici où je suis sûre que vous auriez été reçue à bras ouverts. Je ne puis pas douter, par exemple, qu'Araminte ne m'eût bien voulu faire cette grâce. Mais je crois qu'elle est la seule chez vous de qui je puisse l'attendre. Et la seule peut-être de qui vous ne la voulussiez point recevoir. Si Julie, par exemple... Julie actuellement ne me tente pas plus qu'Araminte. Mais il est vrai pourtant que si bien absolument Julie le voulait, je ne lui tiendrai pas rigueur comme à l'espèce de monstre dont vous me parlez. C'est-à-dire que vous avez plus trouvé dans Julie de cette espèce de sensibilité qui vous amuse tant que l'autre ne vous en a montré. Vous êtes donc bien convaincu que cette vertu, quand nous la rencontrons chez une femme, nous tient absolument lieu de tout? Non, mais je suis persuadée qu'elle vous leur fait pardonner beaucoup de choses. Il est réel qu'elle nous en plaise davantage. En général, s'entend, car tous les hommes ne sont pas là-dessus du même avis. Autant que j'ai pu le remarquer, vous n'êtes pas moins injuste à notre égard sur cet article que vous ne l'êtes sur beaucoup d'autres. Une femme est-elle comme Araminte? Elle vous ennuie. Joue-t-elle ce qui lui manque? Elle vous choque. En a-t-elle? Quelque plaisir qu'il en résulte pour vous, vous la craignez. Comment faut-il donc qu'elle soit à cet égard pour vous plaire ou pour ne pas vous causer d'inquiétude? Comme vous, madame, qu'elles aient cette sensibilité modérée que l'amant lui-même est obligé de chercher, qui n'est émue que par sa présence, déterminée que par ses caresses, et que tout autre que lui voudrait vainement éveiller. Oserais-je bien vous demander qui vous a donné sur moi de si belles connaissances ? Oh, Eraste, sans doute, puisque je ne vis pas avec Damis. Oh, l'indigne ! Il est donc vrai que les hommes se confient ces choses-là ? Oui. Quand ce qui leur arrive souvent, ils n'en ont pas d'autres à se dire. Quelle horreur ! Je n'aurais pas de peine à convenir que cela n'est pas bien. Mais ils n'attaquent presque tous une femme que par vanité. Et la vanité serait-elle satisfaite d'un triomphe qu'on ignorerait ? Que nous sommes à plaindre de ne pas le savoir. Je ne lui aurais sûrement pas fait les mêmes confidences, moi. Oh, qui le sait ? Quoi ? Cydalise, vous en doutez ? C'est quelqu'un que vous honorez de votre estime ? Que vous pouvez croire capable d'une pareille indignité ? Quelle réparation ne m'en devriez-vous pas ? Vous ne répondez rien. C'est que je crois vous avoir assez peu offensé. Oh. J'aime mieux au reste avoir à vous demander pardon d'avoir trop mal pensé de vous que de me mettre dans le cas d'être forcé de me reprocher d'en avoir pensé trop bien. C'est-à-dire que vous ne doutez pas que vous ne fussiez victime de la confiance que vous pourriez prendre en moi. Je crois qu'il vous est assez égal qu'à cet égard, je pense de vous mal ou bien. Et moi-même, pour vous dire la vérité, je n'ai pas encore arrangé tout à fait mes idées sur votre compte. Pour cela, vous n'aviez pas besoin de me le dire. Il y a longtemps que je ne doute pas que je ne vous sois l'homme du monde le plus indifférent. J'aimerais assez que vous m'en fissiez une querelle. Il y aurait à cela bien de la vanité. Je croyais bien que vous y en trouveriez plus que de sentiments. Mais, avec votre permission, cela ne dit pas que vous touchiez juste. Cela est assez nouveau. Est-ce que vous voudriez me faire croire que vous êtes amoureux de moi ? Mais, de bonne foi, vous-même, ne le croyez-vous pas ? Non, en honneur. En honneur, vous me confondez. Je ne me flattais pas de vous trouver reconnaissante. Mais je vous avoue que je vous croyais plus instruite. D'un peu plus loin, je vous prie. Ah, quel sang-froid ! Et qu'il est insultant ! Je ne sais s'il vous choque, mais il me semble qu'il ne devrait pas vous surprendre. À ce que je vois, vous avez formé de grands projets et conçu de terribles espérances. Je ne croyais pas me conduire de façon à mériter de pareils reproches. Mon Dieu, je sais que vous n'en méritez aucun, et je crois aussi ne pas vous en faire. Mais je veux que vous vous en alliez. Mais que craignez-vous de moi ? Ce n'est pas avec les sentiments que vous m'inspirez que l'on ose le plus. Vos sentiments. C'est-à-dire que vous ne croyez pas que je vous aime ? Non, assurément, je ne le crois pas. Que vous vous plaisez à le croire, cruel. Clitandre, nous sommes amis depuis trop longtemps pour que j'use avec vous de tous les petits détours que nous croyons ordinairement devoir à la décence de notre sexe, et que dans le fond, nous ne mettons en œuvre que pour satisfaire notre coquetterie. De votre côté, faites-moi grâce de ce jargon frivole et de cette fausseté avec lesquelles vous faites tous les jours tant de dupes. Il serait infâme à vous de me parler d'amour sans en ressentir. Et je crois pouvoir vous dire que notre amitié, même à part, vous me devez d'autres procédés. Ou vous ne m'aimez pas aujourd'hui, ou vous m'aimez depuis bien longtemps. Oui, madame, je vous aime. Depuis l'instant que mon bonheur vous a offert à mes yeux. Vous conviendrez donc, en ce cas, que vous vous êtes plu à vous chercher des distractions. Car enfin, il est bien singulier que, m'aimant autant que vous le dites, vous ayez pu vous attacher si fortement à d'autres et que vous ne m'ayez jamais parlé de vos sentiments. Et comment vouliez-vous que je fisse ? Lorsque nous nous connûmes, vous aimiez éperdument Damis. Il vous quitta, j'étais en Italie. Quand j'en revins, Eraste s'était attaché à vous. Si vous ne l'aviez pas encore, il vous plaisait déjà. Quel temps donc pouvais-je prendre pour vous parler de ma tendresse ? Vous faisiez bien de vous taire puisque vous me croyez prise. Mais vous auriez peut-être mieux fait de ne pas le croire si légèrement. Vous m'auriez trouvé pour le moins aussi empressé qu'Eraste. Si vous eussiez répondu avec moins de froideur à la lettre que je vous avais écrite de Turin sur l'inconstance de Damis, et que vous eussiez paru faire un peu d'attention à l'offre que je vous y faisais de mon cœur. En effet, il est très singulier que je n'ai pas répondu favorablement à des propositions assez tendres, il est vrai, mais que je devais beaucoup plus attribuer à la politesse qu'à l'amour. Vous les auriez attribués à leur véritable cause, si elles eussent eu de quoi vous plaire. Non, madame, non. Mon amour vous aurait importuné, et sans doute il vous importunerait encore. cela se pourrait. Ma tranquillité me plaît. Les deux épreuves que j'ai faites n'ont pas dû me disposer à un nouvel engagement. Et d'ailleurs, je ne veux plus passer perpétuellement les bras d'un homme dans ceux d'un autre. Je dois et je veux me laisser oublier. Madame, les dispositions où vous êtes ne dureront pas toujours. Si jamais vous voulez vous engager, n'oubliez pas, je vous en conjure, que je vous ai demandé la préférence. Nous verrons alors. Tout ce qu'à présent je puis, et je crois même devoir vous dire, c'est que vous êtes de tous les hommes du monde celui que j'estime le plus. Ah, madame, vous comblez mes vœux. Ah, je puis donc enfin vous parler de mon amour. Vous venez de vous engager tout à l'heure à ne m'en parler jamais. Et c'est une parole que je ne vous rends pas. Pouvez-vous penser que je vous l'ai donnée sérieusement? Et que je puisse garder le silence sur une passion renfermée si longtemps? Lorsque je puis me flatter qu'en le rompant, je ne vous déplairai pas. Je ne crois pas que ce soit cela que je vous ai dit. Mais laissons de grâce cette discussion. Vous ne mourrez plus de froid à présent. Et vous m'obligeriez de vous souvenir que vous me devez l'histoire de Julie. Combien y a-t-il que vous l'avez eue? Vous êtes, permettez-moi de vous le dire, singulièrement opiniâtre. Mais en supposant que j'eusse eu Julie, et qu'il y eut dans notre affaire quelque chose de fort plaisant, et qui la distingua de toutes les autres de ce genre, ce serait actuellement l'histoire la plus déplacée qu'il eût au monde. Pour vous, peut-être. Et si déplacée, que si l'on racontait notre aventure de cette nuit, et que dans la position où nous sommes ensemble on vit arriver cette histoire-là, il n'y aurait personne qui ne la passât sans hésiter, quelque plaisir que l'on puisse en promettre. Ce serait selon le goût et les idées de l'auditeur. Il n'y en a point, je crois, qui aimât que pour un long narrer, l'on vint lui couper le fil d'une situation qui pourrait l'intéresser. Je ne vois pas pour moi ce qu'il y a d'intéressant dans celle où nous nous trouvons. J'avoue qu'elle peut être extraordinaire et qu'il n'est pas bien commun qu'un homme vienne se mettre d'autorité dans le lit d'une femme qui n'est faite d'aucune façon pour qu'on prenne avec elle une pareille liberté. On ne trouverait pas cela vraisemblable et l'on ferait bien. Eh bien, madame, quand tout ce que vous dites serait vrai, je n'en voudrais pas plus avoir devant moi-même le ridicule de vous faire des histoires, lorsque je ne dois vous parler que de ma tendresse, et tâcher de vous déterminer à y être sensible. C'est donc fort sérieusement que vous en avez formé le projet? Oui, madame, et ce n'est en vérité pas de cette nuit. Je croyais avoir quelques raisons de penser le contraire. Et si la nuit était moins avancée, je pourrais vous les dire. Mais je sens le sommeil qui m'accable, et je voudrais bien que vous me laissiez tranquille. Voyez, je vous prie combien vous êtes inconséquente. Inconséquente, injuste même, puis encore, si vous le voulez, je conviendrai de tout. Pourvu qu'il vous plaise de quitter mon lit. Si vous saviez combien j'aurais envie de n'en rien faire. Je ne crois pas que dans cette occasion ce soit ni vos désirs, ni vos répugnances que je doive consulter. Parlons sérieusement. Que voulez-vous me donner pour que je ne dise pas que j'ai couché avec vous? Ah, voilà une très mauvaise bouffonnerie, monsieur. Ne badinons pas, je vous prie, sur cet article. Quand je songe à ma sotte complaisance. Et moi, à mon imbécilité. Ce qui m'en console, c'est que comme effectivement elle est incroyable, personne ne la croira. Et dans une sottise aussi grande que celle que je fais, c'est toujours beaucoup que de pouvoir mettre son honneur à couvert. C'est-à-dire que vous ne vous tairez pas sur cette aventure et que vous ne manquerez pas de vous vanter de l'avoir poussée aussi loin qu'il est possible et de ne m'avoir ménagé en aucune façon. Je ne croyais pas, par exemple, que ce que je viens de dire puisse s'interpréter comme vous faites. Mais à propos de cela, pourtant, s'il vous plaisait de m'accorder quelques faveurs. Quelques faveurs? Ah, je n'en accorde pas. Ou je les accorde toutes. Toutes? Eh bien, soit. Il perd assez indécemment le respect. Elle se défend avec fureur et lui échappe. Je vois, monsieur, que quoique vous viviez avec moi depuis longtemps, vous ne m'en connaissez pas davantage. Je n'emploierai point contre vous des cris qui ne feraient que rendre ma sottise publique. Mais comme je ne suis ni prude, ni galante, que les coups de tempérament et les éclats de vertu ne sont pas à mon usage, je ne ferai pas de bruit. Mais vous ne m'aurez point. Et s'il est vrai que vous pensiez à moi, vous aurez le chagrin de me voir rompre avec vous pour jamais. C'est à vous à voir actuellement le parti que vous avez à prendre. Madame, que je suis loin encore du bonheur que vous aviez semblé me promettre. Ne vous ai-je pas donné de mon respect les preuves les plus fortes que vous puissiez jamais en exiger ? Je vous adore. La situation où je me trouve avec vous est peut-être la plus pénible situation dans laquelle on puisse jamais se trouver. Je meurs de désir et vous n'en doutez pas. Ah, j'admire les hommes. Et je considère avec effroi tout ce que le moment peut sur eux. Vous n'étiez pas venu ici dans l'intention de me marquer tant de tendresse. Et quoi qu'il se puisse que vous ayez toujours eu pour moi une sorte de goût et que même je doive croire que depuis que vous me voyez libre, il s'est accru, j'ai plus d'une raison de penser que je ne vous inspire pas d'amour. Mais vous êtes désœuvré, seul avec moi, la nuit, et par une imprudence que je ne me pardonnerai jamais, qui n'est presque pas croyable, et dont moi-même je doute encore, j'ai souffert que vous vous missiez dans mon lit. Quand je serai moins bien à vos yeux, je vous inspirerai des désirs, et surtout celui de triompher de moi dans ce moment même, pour avoir une aventure singulière à raconter. Convenez que si je vous prête quelques motifs, je dois du moins beaucoup au moment de cette violente passion que vous voudriez que je vous crusse. Eh, madame, pourquoi me chercher des crimes ? Quoi ? C'est parce que je n'ai jamais osé vous dire que je vous aime, que vous doutez de mes sentiments. Et dans quel temps ai-je pu me flatter que cet aveu ne vous déplairait point? Ai-je jamais pu, sans vous offenser, vous dire que je vous adorais? Ignorais-je vos engagements? Et devais-je imaginer que vous me pardonneriez de vous croire légère ou perfide? Je vous vois libre, enfin, et assez heureux pour l'être moi-même. Je pouvais, il est vrai, vous parler de ma tendresse. Mais j'ai cru qu'avant de vous la découvrir, je devais travailler à y disposer votre cœur. Eh bien, madame, continuez donc de me haïr. Vous me verrez toujours constant et soumis. Préférez toutes les rigueurs dont vous m'accablerez aux faveurs que je pourrais attendre d'une autre. Mon amour vous déplaît. Je consens à ne vous en jamais parler. Pourvu que vous me permettiez de vous le témoigner sans cesse. Ah, traître! Serais-je en effet assez malheureuse pour désirer que vous me disiez vrai? Clitandre la serre dans ses bras et elle ne se défend que mollement. Cydalise, charmante Cydalise, si vous le vouliez, que vous me rendriez heureux. Ah, croiriez-vous longtemps l'être? Vous donnez mon cœur et tout ce qu'enfin je vous donnerai avec lui. Ne serait-ce pas me remettre volontairement dans l'horrible situation dont je ne fais que de sortir? Daignez de grâce, ne vous pas faire de si tristes idées. Que ce que j'ai été jusqu'ici vous rassure sur l'avenir. Ces craintes cruelles ne se dissiperont-elles point? Et paraîtrez-vous toujours désespéré de vous voir dans mes bras? Oh, Clitandre. Oh, Clitandre, que faites-vous? Oh, si vous m'aimez. Oh non, Clitandre, si vous m'aimez, laissez-moi. Je vous l'ordonne. Il obéit enfin. Elle pleure. Oh. Et s'éloigne de lui avec indignation. Je m'aperçois trop tard, madame, qu'emporté par mon ardeur, me flattant à tort que vous ne la désapprouviez pas, je me suis exposé à vous déplaire. La douleur que vous cause mon audace m'apprend que je suis le dernier des hommes à qui vous voudriez accorder les faveurs que je viens de vous ravir. Et je ne comprends pas, en effet, comment j'ai pu m'aveugler sur cela si longtemps. Elle ne lui répond rien. Il se tait aussi en soupirant. Enfin, voyant qu'il ne lui parle plus. Je crois, monsieur, qu'il serait temps que vous me laissiez tranquille. Oui, madame, je le pense comme vous. Je ferai même plus que vous ne semblez l'exiger, et je vais vous quitter pour jamais. Allez, monsieur. Puissiez-vous oublier mon imprudence et ne m'en faire un crime ni devant vous ni devant personne. Madame, je puis n'être pas digne de votre tendresse, mais je le serai toujours de votre estime. Et vos procédés, tout durs qu'ils sont, n'altéreront jamais dans mon cœur le profond respect que j'ai pour vous. J'aime à vous l'entendre vanter, après la façon dont vous m'avez traité. Je ne chercherai point à excuser une chose qui vous a déplu, vous me voulez coupable. Et je croirais l'être, en effet, si j'entreprenais de vous faire remarquer votre injustice. C'est au temps que je laisse à vous la faire sentir, et plaise au ciel qu'il ne m'en venge pas. Adieu, madame, je vais. Que cherchez-vous donc, monsieur ? Madame, c'est ma robe de chambre. Dans la situation où nous sommes ensemble, je ne crois pas qu'il fût bien décent que je parusse déshabillée à vos yeux. Vous vous avisez tard d'observer les bienséances avec moi. Attendez, monsieur, vous l'avez jetée de mon côté et je vais vous la donner. Cruel. Est-il bien vrai que vous me perdiez avec si peu de regret et que ce soit l'homme du monde qui vous aime le plus tendrement que vous accabliez de votre haine ? Hélas, monsieur, vous ne savez que trop que je ne vous hais pas. Eh bien, s'il est possible que je me sois trompé, que ces yeux charmants où je viens de lire une si vive indignation daignent me parler ma plus doux langage. Oui, Cydalise, oui, j'y retrouve quelques traces de cette bonté dont vous aviez bien voulu me flatter. Mais qu'ils sont loin encore de ce sentiment que les miens vous expriment et que je ne puis parvenir à faire passer dans votre cœur. Vous voulez donc absolument que j'aime. Eh bien, cruel, jouissez de votre victoire. Je vous adore. Oh, madame, ma joie me suffoque. Je ne puis parler. Il tombe, en soupirant, sur la gorge de Cydalise et y reste comme anéanti. Oh, les voilà donc encore revenus dans mon cœur, ces cruels sentiments qui ont fait tout le malheur de ma vie. Ah, pourquoi avez-vous cherché à me les rendre ? Hélas, j'ignorais, ou plutôt je cherchais à ignorer la force et la nature du goût qui m'entraînait vers vous. Et peut-être en aurais-je triomphé, si vous n'eussiez pas cherché à me séduire. C'en est trop. Je ne puis plus tenir à tant de charme. Venez, venez que j'expire, s'il se peut, dans vos bras. Un moment de grâce, Clitandre. Vous me connaissez. Puisqu'enfin je consens à vous livrer mon cœur, vous ne devez pas douter que vous ne soyez un jour maître de ma personne. Mais laissez-moi m'accoutumer à ma faiblesse. Et donnez-moi la consolation de ne pas succomber comme la malheureuse de qui vous venez de me raconter les horreurs. Quoi ? Vous pouvez craindre que je vous confonde avec elle ? Je n'ai peut-être rencontré que trop bien. Et la façon dont je me rends... Et comment vouliez-vous ne pas vous rendre ? Vous m'aimez. Quoique vous ne me l'ayez dit que d'aujourd'hui, ce n'est cependant pas de ce moment-ci que je le sais. Pouvez-vous croire ? Accoutumé à moi par l'ancienneté de notre liaison, moins en garde par conséquent contre les libertés que je prenais, sûr d'être aimé, pressé également par votre amour et par le mien, vous eussiez pu résister à mon ardeur. Et devez-vous comparer ce qui se passe entre nous à ce qui s'est passé entre Araminte et moi ? Il n'est peut-être pas hors de propos d'avertir ici l'auditeur que, pendant que Clitandre parle, il accable Cydalise de caresses fort tendres, qu'elle ne lui rend point tout à fait, mais auxquelles elle ne s'oppose pas non plus à un certain point. À vous parler franchement, la seule chose que je puisse actuellement avoir quelque plaisir à croire, c'est que je ne pouvais faire que ce que j'ai fait. En vérité, Cydalise, comment voulez-vous que je vous croie ? Lorsque je vous vois démentir par votre conduite tout ce que votre bouche veut bien me jurer ? Accordez du moins quelque chose à mes désirs. Vous ne saurez sûrement pas les contenir, et je n'aurai peut-être pas la force de les arrêter. Ici, il lui demande quelque chose, mais presque rien. Grand Dieu ! Me tiendrez-vous parole et respecterez-vous mes craintes ? Oui, puisqu'enfin je ne puis les bannir de votre esprit. Ici, elle consent à ce qu'il lui a demandé, et... comme elle l'a prévu et espéré peut-être, il lui manque de parole. L'auditeur croira facilement qu'elle s'en fâche. Ah, oh, monsieur, vous savez nos conventions. Or, celle de nous aimer toujours, Je ne crois pas que nous en ayons fait aucune ensemble. Mais quittez de grâce cet air et ce ton qui ne sont pas faits pour nous. La cérémonie que vous conservez encore avec moi me fait presque douter que vous m'avez dit que vous m'aimez. Ah, vous ne devriez pas pouvoir un instant douter de ma tendresse. Et je serais trop heureux si je vous en voyais toujours aussi satisfait, que vous aurez toujours bien lieu d'en être persuadé. Vous me baisez pourtant sans plaisir. Oh. Et pendant que mon cœur vole sur vos lèvres, s'y pénètre de la plus douce des voluptés, je vous vois vous refuser au même bonheur, ou être incapable de le sentir. Pourquoi vous plaisez-vous à faire de mes mouvements une peinture si infidèle? Convenez donc que vous êtes bien injuste. Les transports de Cydalise, autorisant en quelque façon les témérités de Clitandre, il lui demande des complaisances. Non, non, je ne veux pas. Oh, vous m'offensez mortellement. Eh bien, monsieur, vous voilà. Voilà comme je puis compter sur vous. Loin que de si violents reproches le contiennent, et que la résistance de Cydalise, qu'il doit croire très réelle, lui donne d'autres idées, il continue d'employer la violence. Elle lui réussit, car que fera-t-elle et quelles sont ses ressources? Ce n'est pas qu'elle ne lui dise qu'il est un impertinent. Mais quand une fois on a pris sur soi d'en être un, il y aurait assez peu de mérite et moins encore de sûreté, peut-être, à cesser d'offenser. Il continue donc d'abuser de la supériorité de ses forces, tout indigne que cela est. Laissez-moi, je vous prie, monsieur. Je suis indigné contre vous. Vos procédés sont odieux. Mais voyez donc quelle est votre injustice. Avez-vous pu penser, je laisse même l'amour à part, que comblé de caresses d'une femme telle que vous, la modération que vous me prescriviez fût en mon pouvoir. D'ailleurs, de quoi vous plaignez-vous? Ne serait-ce pas à moi à m'offenser de vous voir me refuser les complaisances les plus ordinaires? Vous êtes trop singulière aussi. Oh, cela n'est pas douteux. Je vois bien que j'aurais toujours tort. Songez que dans les termes où nous en sommes ensemble, il n'est plus possible que je vous fasse des impertinences. Et lorsque c'est vous qui offensez l'amour, n'allez pas croire que je blesse votre dignité. Mais mon Dieu, pensez-vous que je m'aveugle au point de croire que je ne serai pas un jour pour vous plus que vous ne venez d'exiger de moi? Vous avez raison. Si ma résistance n'était fondée sur rien, elle serait du dernier ridicule. Mais enfin, que les motifs en soient pitoyables ou sensés, vous m'avez promis de les respecter. Et je me crois du moins en droit de me plaindre de ce que vous me manquez de parole. Vous êtes donc bien fâchée. Ah ! Revenez dans mes bras, je meurs d'envie de vous pardonner vos injustices. Venez, ne vous dérobez pas à ma clémence. En vérité, vous êtes singulièrement ridicule. Ah, Clitandre, je vous sens bien. Apparemment, elle a ici quelques raisons pour lui parler comme elle fait. N'allez-vous pas vous fâcher encore? Dans le fond, j'aurais de quoi. Mais je vois bien qu'il faudrait que je ne fisse que cela. Et, ne fût-ce que pour vous attraper, j'ai quelque envie d'être un peu moins cruelle. Pour m'attraper? Où avez-vous donc pris cela, s'il vous plaît? Est-il donc vrai que je sois si injuste? En cet endroit, Clitandre doit à Cydalise les plus tendres remerciements et les lui fait. Comme on ne peut pas supposer qu'il y ait parmi nos auditeurs quelqu'un qui ne soit ou n'ait été dans le cas d'en faire ou d'en recevoir, ou de dire et d'entendre ces choses flatteuses et passionnées que suggère l'amour reconnaissant, ou que dicte quelquefois la nécessité d'être poli, l'on supprimera ce que les deux amants se disent ici, et l'on ose croire que l'auditeur a d'autant moins à s'en plaindre que l'on ne le prive que de quelques propos interrompus qu'il aura plus de plaisir à composer lui-même d'après ses sentiments ou ses souvenirs qu'il n'en trouverait à les entendre. Ah, traître! Eh bien, accablez-moi de tous les reproches imaginables. Il n'y en a point sans doute que je ne mérite. Mais encore une fois, regardez-moi. Dites-moi donc de grâce quelle est l'inquiétude qui vous agite. Hélas! Puis-je n'être pas tourmentée de la crainte de vous perdre? Ne vous livrez pas à de si injustes terreurs. Je vous adore. Rien ne m'a jamais été aussi cher que vous. Rien ne me le sera jamais autant. Êtes-vous rassurée? Ah, Clitandre. Quel dommage que je sache si bien que le désir n'est pas de l'amour. C'est-à-dire que vous doutez encore du mien. Ce doute serait moins déplacé que vous ne semblez le croire. Mais vous répondez aux miens de façon à me forcer de les renfermer. Pourtant, vous ne les détruisez pas. En croiriez-vous plus à mes serments? Cette façon de me parler de votre tendresse n'amuserait pas tant vos sens et flatterait moins votre vanité. Mais j'avoue que toute trompeuse qu'elle pourrait être encore, elle calmerait plus mon cœur que les transports que vous mettez à sa place. Comment pouvez-vous un instant penser que je ne goûte pas un plaisir extrême à vous parler d'un sentiment qui pénètre mon âme, et qu'à la vivacité dont vous me le rendez, je crois éprouver pour la première fois de ma vie? Non. Je vous écoutais trop peu pour que je sois aussi heureuse que vous me le dites. En vérité, vous êtes bien peu raisonnable. Ah, vous ne savez combien je vous aime. Combien je m'abhorre d'avoir été à d'autres qu'à vous. Combien même je vous hais de m'avoir aimé si tard. Et quand je songe en effet que si vous aviez voulu, je n'aurais pas eu le malheur d'avoir Eraste. Puis-je ne pas vous détester de me l'avoir laissé prendre? C'est comme moi, qui ne saurais comprendre comment j'ai pris une araminte et 10 vilaines bêtes de la même espèce. Bélise, par exemple. Du moins, elle est jolie. Oui, mais elle est à tout le monde. Oui, oui. Un peu, cela est vrai. Elle a malheureusement pour elle une sorte de nonchalance dans le caractère qui l'expose à l'inconvénient de ne savoir pas résister, car elle serait sans cela absolument ou à peu près comme une autre. Comment vous engagez-vous avec elle? M'engager, moi? Je l'ai pris à la vérité, mais ce fut sans avoir un moment l'intention de la garder. C'était tout à la fois la femme de France que je méprisais le plus et qui me coûtait le moins. Vous la prîtes, pourtant. Mais oui, oh, il le fallait bien. J'allais lui faire une visite que je lui devais depuis assez longtemps. Je ne sais comment elle était disposée, mais elle me fit des agaceries. Et de si vives que tout le mépris qu'en ce moment même elle m'inspirait ne m'empêcha pas d'y répondre. Cependant, vous adoriez Aspasie? Si je l'aimais, oh, à la fureur. Mais comment accordiez-vous votre tendresse pour elle avec les complaisances que vous aviez pour Bélise? Oh, je n'avais vis-à-vis de moi-même ni la mauvaise foi de prétendre les accorder, ni le malheur de m'y méprendre. Comblée des faveurs de Bélise, et dans l'instant même où elle prenait le plus vivement sur moi, vous ne sauriez imaginer combien elle était loin de mon cœur et à quel point j'y sentais l'empire d'Aspasie. Je vous crois. Vous revîtes pourtant Bélise? Oui. Oui, elle n'avait jamais, à ce qu'elle disait, soupé en petite maison. Et elle me demanda en grâce de lui donner une fête dans la mienne. Il ne me parut pas possible, dans les termes où nous en étions ensemble, de ne la pas satisfaire sur cette fantaisie. Je ne vous cacherai même pas qu'elle m'amusa quelque temps et que tous les reproches que je m'en faisais ne m'empêchèrent pas de la garder un mois. Il est vrai qu'Aspasie en passa plus de la moitié hors de Paris, et qu'alors j'avais réellement besoin qu'une femme que j'aimais ne fût pas si longtemps absente. Infidèle. Oh, laissez-moi donc. Pour bien entendre cette exclamation, qui paraît venir à propos de rien, il est nécessaire de savoir que Clitandre tourmente toujours Cydalise de façon ou d'autre. Nouvelle proposition, nouveau refus. Plainte de Clitandre, complaisance de Cydalise. Il faut au reste qu'elle se plaigne de se trouver trop sensible et de paraître craindre que ce ne soit pour Clitandre une raison de se défier de sa constance, car sans cela, que voudraient dire les propos qu'on va entendre à présent? Vous avez de singulières idées d'imaginer que je vous reprocherais d'être sensible. Moi qui avais toutes les peines du monde à pardonner à Célimène de ne l'être pas. Cela est plaisant. À la voir, j'en aurais tout différemment jugé. Il y a cependant peu de femmes plus froides qu'elle. Et vous ne sauriez imaginer combien sur cet article, il faut peu croire aux physionomies. Ai-je l'air d'être sensible, moi? Mais oui. Vous avez dans les yeux une langueur tendre qui promet passablement. Oh, vous me désespérez. La chose du monde que je crains le plus, c'est de passer pour être si tendre. Vous ne savez ce que vous dites. Cette langueur que vous me trouvez dans les yeux peut bien annoncer un cœur sensible. Mais il me semble que ce n'est que les femmes qui ont une extrême vivacité que vous accusez d'être... Non, pas les connaisseurs. Et nous laissons aux jeunes gens qui entrent dans le monde à croire que toutes les femmes ont beaucoup de cette sorte de sensibilité et que, surtout, c'est chez celles qui ont du feu dans les yeux, une grande vivacité dans leurs actions et de l'inconsidération dans leur conduite que l'on en trouve le plus. Pour nous, de la langueur, de l'indolence, de la modestie, voilà nos affiches. Vous deviez bien importuner Célimène. Beaucoup moins que vous ne pensez. Soit caprice, soit vanité, la chose du monde qui lui plaît le plus est d'inspirer des désirs. Elle jouit du moins des transports de son amant. D'ailleurs, la froideur de ses sens n'empêche pas sa tête de s'animer. Et si la nature lui a refusé ce qu'on appelle le plaisir, elle lui a donné en échange une sorte de volupté qui n'existe à la vérité que dans ses idées, mais qui lui fait peut-être éprouver quelque chose de plus délicat que ce qui ne part que des sens. Pour vous, plus heureuse qu'elle, vous avez, si je ne me trompe, rassemblé les deux. Je ne sais pourquoi, mais il me semble que j'aimerais mieux le partage de Célimène que le mien. La reprendrez-vous, Clitandre ? Comme vous reprendrez Éraste, de qui je doute que vous ayez été contente. Ce qui me paraît assez singulier, c'est que vous semblez croire que ce que vous imaginez qu'il est me le rendait insupportable. C'est pourtant lui qui m'a quittée. Je n'en suis pas étonné. Ces sortes d'amants, qui au reste ne le sont jamais que par air, après avoir ennuyé beaucoup une femme, finissent toujours par la quitter, et même avec aussi peu d'égard que s'ils n'avaient pas besoin de sa discrétion. Il faut, au propos que vous tenez, que vous ayez vécu avec des femmes bien extraordinaires. N'allez pas croire cela. Je vous jure que, hors Aspasie et vous, il n'y a jamais rien eu de si ordinaire que les femmes qui m'ont honoré de leur bonté. Mais, à ce que je vois, vous en avez eu quelques-unes. Mais oui, comment voulez-vous qu'on fasse? On est dans le monde, on s'y ennuie. On voit des femmes qui, de leur côté, ne s'y amusent guère. On est jeune, la vanité se joint au désœuvrement. Si avoir une femme n'est pas toujours un plaisir, du moins, c'est toujours une sorte d'occupation. Quelle pitié. Il me semble pourtant que vous m'avez dit plus d'une fois, et cette nuit même encore, que vous n'avez jamais été homme à bonne fortune. Je n'avais pas du moins été longtemps. Et je puis vous jurer que j'ai aujourd'hui peine à comprendre comment et pourquoi j'ai fait un si pénible et si méprisable métier. Vous vous en croyez donc bien corrigé? Je le crois peut-être à trop bon marché. Mais en cas qu'Aspasie eût laissé quelque chose à faire, je suis entre vos mains et je ne connais de plus digne de finir son ouvrage que la seule personne qui, à sa place, aurait pu le commencer. Ah, Clitandre. Oh, finissez donc. On ne saurait impunément vous remercier de rien. Oh, je suis donc bien insupportable. Ah, Clitandre. Clitandre, quand je meurs d'amour entre vos bras, ma faiblesse n'est-elle pour vous qu'un spectacle risible? Je n'aurais jamais cru, je vous l'avoue, que vous eussiez trouvé dans mes regards de quoi me faire ce reproche. Tout ce que je sais, c'est que si je trouvais la même expression dans les vôtres, je croirais avoir plus à vous en rendre grâce qu'à m'en plaindre. Clitandre, ne me trompez pas, je vous en conjure. Je ne chercherai point à vous faire l'éloge de mon cœur, mais si vous saviez combien je suis vraie, et avec quelle vivacité je vous aime! Vous rougiriez de ne m'aimer que médiocrement. Non, non, non, vous ne m'aimez pas, puisque vous pouvez vous faire sur moi de pareilles inquiétudes. Je ne t'aime pas! Oh, Dieu! Calmez-vous donc. Je vous en conjure à mon tour. Songez que vos craintes me désespèrent. Jouissons tranquillement du bonheur de nous aimer et que ce soit la seule chose qui nous occupe. Oui, vos sentiments seuls peuvent égaler les miens. S'il est vrai, cependant, que je puisse jamais vous inspirer autant d'amour que vous m'en faites sentir. Ah, ne doutez pas d'un cœur tout à vous, d'une femme qui se pardonne ses erreurs bien moins facilement que vous-même ne les lui pardonnez, et qui peut-être même n'est pas contente de vous voir si tranquille sur l'usage qu'avant que d'être à vous, Elle a fait de son cœur. Quoi? Vous voudriez que j'eusse l'injustice? Oui, je voudrais que l'on ne pût prononcer devant vous le nom d'Eraste et de Damis sans vous faire changer de couleur. Car si vous saviez combien les femmes que vous avez aimées ou avec qui seulement vous avez vécu me sont odieuses, vous vous reprocheriez sans doute de ne les pas regarder tous deux comme vos plus mortels ennemis. Je vous adore, ne me souhaitez pas jaloux. Si vous saviez jusqu'à quel excès cette passion m'emporterait, vous ne voudriez pas sans doute m'en trouver si susceptible? Ah, qu'importe! Sois injuste, soupçonneux, emporté, comblé sans cesse des preuves de mon amour, ne te crois jamais assez aimé. Tu m'apprends qu'avant toi je n'ai pas été aimé, et je sens avec plus de plaisir encore que jamais je n'ai rien aimé comme toi. Tu troubles, tu pénètres, tu accables mon âme. Mais sens-tu comme je t'aime? Oh, je ne me connais plus. Je meurs de ton amour et du mien. L'on ne dit pas ici la réponse de Clitandre, quelque vive qu'elle puisse être. On n'ignore point que tout ce que se disent les amants n'est pas fait pour intéresser, et que souvent les discours qui les amusent le plus sont ceux qu'il serait le plus difficile de rendre et qui valent le moins la peine d'être rendus. On supprime donc ici, comme en quelques autres endroits, les propos interrompus qu'ils se tiennent, et l'on y rend les deux interlocuteurs que lorsque l'auditeur peut, sans se donner la torture, entendre quelque chose à ce qu'ils se disent. Déjà 7 heures. Pour moi, je ne me lève ordinairement qu'à 10. Et je doute que ce soit avec vous que j'apprenne à devenir plus matineux. Vous sentez bien d'ailleurs qu'il ne se peut pas que je vous quitte sans vous avoir bien rassuré. Et moi, je vous proteste que je sonnerais plutôt Justine que de souffrir que vous me tourmentiez davantage. Ah, sans doute, cela serait beau. Croyez-moi. Venez vous recoucher. Oh, et mon lit? Vous m'avez promis de le refaire. Volontiers. Je puis dire sans trop me vanter que Justine, toute fameuse qu'elle est, ne fait pas un lit mieux que moi. Ils refont le lit. Ah, tant mieux. Je n'ai jamais plus besoin d'être bien couchée. C'est-à-dire qu'on ne pourra vous faire sa cour qu'un peu tard. Oh, très tard, en effet. Et je vous défends de ne plus parler à aucune des femmes qui sont ici. À Lucinde, surtout, que je ne sois levée. Eh bien, que dites-vous de votre lit ? Que jamais il ne m'a paru mieux fait. Je suis bien surprise de vous trouver ce talent. Il ne vous paraît peut-être rien, mais je vous jure que jusqu'à un certain âge, il y en a peu qui soient aussi nécessaires que celui-là. Vous avez beau le vanter, je vous jure que je ne vous en estime pas davantage. Je trouve, à ce que vous me dites là, assez peu de reconnaissance. Et je ne sais si, pour vous punir de votre ingratitude, il ne me serait pas permis de gâter un ouvrage dont on me sait si peu de gré. Oh, cela serait horrible. Lorsque, si vous l'aviez voulu, j'aurais été sans vous avoir la plus légère obligation. On ne peut mieux coucher. Vous m'avez insulté. Eh bien, je veux pousser l'injure jusqu'au bout. Je ne vous crains pas. Je trouve à cela plus de courage que de prudence. Mais ne serait-ce pas pour avoir le plaisir d'être vaincu que vous me défieriez? Non pas. Mais serait-il bien vrai que ma sécurité fût si déplacée? Je me flattais de vous avoir corrigé de ces doutes-là, par exemple. S'il faut vous parler sérieusement, je n'en ai pas. Cela ne serait-il point un peu obscur? Me rendez-vous justice? Me faites-vous injure? Ah, ce doute me tourmente trop pour le laisser. Il se venge. Ah, Clitandre, je vous demande pardon. Il est bien temps. En vérité, vous êtes bien vain. Un lit qui était le mieux fait du monde. Vous êtes réellement insupportable. Trouvez-vous? L'auditeur ne doit pas conclure de ce que lui dit Cydalise que c'est sérieusement qu'elle le gronde. Il est vrai qu'elle a peut-être un peu d'humeur. Et qui n'en aurait pas à sa place? Mais il est pour le moins tout aussi vrai qu'elle finit par ne lui en plus montrer. Vous en irez-vous à présent? Si vous le voulez absolument, il le faut bien. Mais je ne saurais m'empêcher de vous dire qu'en pareil cas, On ne m'a jamais renvoyé de si bonne heure. Cela se peut, mais de grâce, allez-vous-en. Clitandre, bien doucement, je vous prie. Un autre talent que j'ai, c'est d'ouvrir une porte plus doucement que personne et de marcher avec une légèreté incompréhensible. Hélas, vous n'avez que trop de talent. Et si cela dépendait de moi, je donnerais volontiers ceux des vôtres dont vous faites peut-être le plus de cas pour la certitude que vous me serez fidèle. Oh, sans doute vous feriez là un beau marché. Allez, mon ange, je vous la donnerai à moins de frais. Adieu. Puissiez-vous, s'il se peut, m'aimer autant que vous êtes aimé vous-même. Elle ne lui répond qu'en lui prouvant qu'elle l'aime. Ils se séparent.